إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je viens, c'est deuxième cours que nous avons commencé, inshallah. Nous t'ai déjà commencé en cours semaine dernière, parce que nous t'ai fait cours numéro 1 dans le livre qui relie al-aqidatu sahiha wa ma yudadduha, c'est-à-dire yani ça signifie la bonne croyance, la croyance qui est correcte et ça qui vient en opposition avec lui. Et c'est ça que nous allons expliquer aujourd'hui. Hein. Donc, on va continuer. Et puis, nous t'ai déjà gagné temps expliquer premier fondement, ça Akida, sur qui ça l'y établit, sur qui ça nous construit croyance nous. Hein. Nous mentionner 6 points de la foi. Et puis après ça, qu'est-ce que ça nous fait? Nous commençons à expliquer premier principe, premier pilier de la foi, hein, c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ça lui signifie. Là, nous dit que nous croyons en Dieu, en un Dieu unique, ça lui voulait, qui ça lui voulait dire? Parce que c'est gain en pile monde, hein, dans en pile religion, là où mandé, là où dit, est-ce que nous croyons en Dieu unique? Yo tout à répondre, oui, nous croyons en Dieu unique. Sauf que les où commencer à analyser, puis où commencer étudier détails religion yo et enseignement yo, où est que en réalité yo pas enseigné, que yo pas appliqué ça y a dit, yo pas appliqué ça, yo prétendent que y a adoré un Dieu unique. Parce que dans la réalité, par exemple, chrétien, un chrétien il dit que le croit en un Dieu unique, mais les où commencer mander lui, hein, et à propos de détails de croyance les ou mandés à propos de Dieu, ou est que l'Ipral commençait à dire que Dieu son Dieu qui est divisé en trois personnes, hein, le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il a divisé Dieu en trois personnes, et puis il a dit après ça que le croit en Dieu unique, et ça, ben, ça sont contradictions liées, hein, parce que Jésus sont êtres humains. Tandis que Dieu, c'est le créateur de toute création. C'est lui-même qui t'a créé, Jésus, qui t'a créé toute création, tout monde, tout animaux, tout ça qui existait. Donc, il a associé avec Dieu un être humain et il a dit que c'est petit lit, hein, et il a associé avec Dieu de différentes façons. Bon, ben ça, nous déjà expliqué que son exemple de ça nourrit les shirks dans l'islam, c'est-à-dire que c'est en association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous t'ai commencé à expliquer premier principe de la foi en Allah, hein, c'est-à-dire que les ou dit que ou croit dans Allah, dans Dieu, ou supposé adorer lui seulement, ou pas gain droit bail aucune autre bagaille, aucune autre être humain, aucune autre chose en forme d'adoration quelconque. C'est à Dieu seul, créateur, que vous supposez vouer toute sorte d'adoration. Toute adoration, c'est pour Allah seulement. Ok, et nous t'avons expliqué ça en détail. Et puis en réalité, là nous commençons à expliquer ça, en réalité, ça c'est le premier principe là, c'est parce que l'unicité de Dieu, ou la foi en non Dieu unique, ça nous relève en français monothéisme, hein, mais ou bien ça nous relève en arabe tout, nous relève le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, et bien principe ça, il est basé sur trois principes, ou trois points, ou trois catégories bien définies et bien divisées. Et trois catégories, ça y est, hein, c'est le premier que nous t'ai mentionné déjà dans le dernier coin, c'est-à-dire que au coin dans at-tawhid ar-rububiyya. Et tawhid ar-rububiyya, qui ça voulait dire? Il voulait dire que au coin dans l'unicité de Dieu, dans souveraineté, c'est-à-dire que Dieu c'est lui-même qui est souverain et qui maître et qui créateur et qui baille toute création en subsistance li, et c'est lui-même également qui fait tout le monde vivre, et c'est lui-même qui a fait mourir, et c'est lui-même seulement qui a fait bagay sa yo, qui a un contrôle total et parfait sur tout ça qui existait dans la création. Donc ça c'est le premier point de l'unicité de Dieu. Si on monde pas quoi dans le principe ça ou dans le point ça, n'est pas considéré tant qu'un monde qui croit en Dieu unique. Par exemple, s'il croit que gon l'autre monde avec Allah, ou l'autre bagaille avec Allah, avec Dieu, qui a contrôlé en bas dans la création, ou que gon l'autre en dehors d'Allah qui a fait vivre ou qui a fait mourir, ou bien que gon l'autre en dehors d'Allah qui maître, qui roi, ou bien qui baille la création subsistance li, ça veut dire que li baille Allah, li baille Dieu ont associé dans souveraineté li. Ok, donc ça baille ça li, c'est en forme de shirk tout. Ok, et ça c'est interdit, et ça li existait forme de shirk, ça yo fait dans en pile l'autre religion, yo fait dans le christianisme, là yo dit que Jésus li avec Dieu et puis que c'est lui-même qui a une sorte de contrôle tout sur la création. Par exemple, yo croit que bon, Jésus t'a fait quelques miracles. Nous-mêmes nous croyons en miracle ça. Yo nous dit par exemple que Jésus t'a fait vivre un monde qui t'est mort et que il était monde qui malade, il était con guéri et il était con il fait un pile miracle. Sauf que nous-mêmes différence que nous gagnons avec chrétiens, c'est que les nous croyons dans miracle ça yo nous dit que Jésus t'a fait miracle ça yo par la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet Jésus pour lui faire miracle ça yo, c'est pas Jésus qui fait yo de propre tête li avec propre pouvoir li, parce que son créature de Dieu lié. Donc ça son grande différence, c'est très important pour nous comprendre bagay ça. Tandis que chrétien yo pas quoi dans façon ça, yo dit que Jésus yo associé li avec créateur, yo quoi que li gen en pouvoir et en force même genre avec Dieu, et même que gen nan yo que les yo besoin bagay, nous t'ai déjà expliqué ça, que yo quoi que Jésus ka pardonné péché yo, ou bien gen l'autre qui quoi que Jésus a jugé la création au jugement dernier. Toute bagaille ça c'est bagaille qui a Dieu seulement, c'est pas on l'autre monde qui a associé avec Dieu, qui a partagé bagaille ça avec Dieu. Donc ça c'est son petit exemple que m'a bail nous, mais gain l'autre exemple dans l'autre religion tout. Par exemple peut-être même que vous douiz en yo gain croyance ça yo que quelqu'un quelque loi qui a contrôlé un bagage dans la création, hein, et que yo mettre confiance yo dans loi ça yo, et ça sont forme de shirk également. Ou bien gain l'autre religion tout en coup bouddhiste ou hindou, yo gain droit à croire dans quelques exemples de shirk comme ça tout, que gain quelques idoles ou statues ou divinités qui gain un contrôle sur la création en dehors de Allah, et tout ça c'est en contradiction avec réalité message tout prophète yo. OK, tout prophète yo t'a expliqué que gon un seul créateur et c'est lui-même seul pour nous adorer. Ensuite, gen un deuxième principe que nous t'ai expliqué dernière fois, c'est tawhid al-ibada, c'est-à-dire la tawhid, l'unicité dans l'adoration, et ça nous t'ai expliqué le bien. Nous t'ai bail quelques exemples, mais n'a bien t'ai bail l'autre exemple tout après. Là, n'a plus venant côté ça dans le livre là. Et après, qu'on l'autre catégorie de tawhid tout, qui relève tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans nom lio et dans attribut que le gain yo. Donc, tout attribut que Dieu t'ai bail tête li dans révélation lien, dans livre lien, et que prophète n'a t'ai bail li tout, dans parole lio, et qui établit authentiquement dans sunna, eh ben nous supposer quoi dans tout attribut ça yo, et nous pas gain droit bail on l'autre créature on attribut qui appartenait à Dieu, parce que si nous fait ça, c'est shirk que nous fait. Et par exemple, ma bail mon exemple, c'est un exemple que si on moun quoi que gain on personne qui ca connaît l'invisible en dehors d'Allah, ou bien qu'on monde qui connaît l'avenir, ça qu'a privé demain, ou bien ça qu'a privé dans le futur, si on monde quoi que le cas qu'on baille ça en dehors d'Allah, alors ça veut dire que lui fait un acte de shirk, parce que lui associé un être humain dans une qualité ou dans un attribut que c'est seulement Allah ou seulement Dieu qui gain droit gain attribut ça. Ou bien par exemple, gain l'autre exemple en pile, c'est que par exemple c'est seulement Allah qui kawé toute bagaille et qui kawé tout, qui gain une vision qui parfaite, ou bien qui attendait toute bagaille et qui attendait tout ça ou dit, même ça ou pas dit, il qu'attendait lui. Également c'est seulement Allah qui gagne toute puissance. Ça nous était déjà, nous t'ai bailli un exemple de ça déjà. C'est seulement Allah qui crée. Pas qu'un l'autre création ou l'autre monde qui a créé en dehors d'Allah, à partir de rien. On ne peut pas créer un bagage à partir de rien. C'est Dieu seulement qui a fait bailler ça. Ça, c'est l'autre exemple. Et donc, ça c'est un résumé de trois tawhid. Si on ne pas croit dans trois conditions ou trois catégories tawhid, ça yo, nous pas qu'à dire que c'est un monde qui croit dans un Dieu unique vraiment. Même s'il prétend que il croit dans un Dieu unique, gon problème dans foi li, dans croyance li. Ça OK, nous pourra l'expliquer encore inshallah. Mais avant que nous commencions dans le détail livre là, nous t'arrêter mais faire une petite introduction sur un sujet qui est très important. C'est que depuis plusieurs années que l'islam commençait à répandre en Haïti. Et puis moi-même, dernière fois que j'étais allé en Haïti, ça fait très longtemps, c'est en 1992 que j'étais allé en Haïti dernière fois. Et c'était la première fois que j'étais allé en Haïti. Et là, ça n'a pas de gain en pile musulman, je ne songeais pas de gain en pile musulman. Je me songeais que j'étais dans une petite mosquée dans Delma 18, moi, quoi. Donc c'était un frère qui était là-bas, qui était fait une petite mosquée, la Kaili, Abdul Ali. Bon, je ne sais pas qu'on qui s'incrivait avec lui, puis je ne sais pas qu'on qui j'en tout bail développé. Ça me tendait, c'est que on tendait on l'autre mosquée qu'on y a dans Port-au-Prince, puis gain mosquée dans Saint-Marc, puis au Cap tout. Les Nations Unies étaient entrés en Haïti, ils étaient aidés pour établir quelques mosquées bail ça yo. Donc c'est bail que me tendait, même en réalité me pas qu'un pile information sous sa privé en Haïti. Toutefois, quand l'autre bail que m'étendait, c'est que on connaît que quand pile haïtien aux États-Unis et au Canada et même yani en France tout, il y a un pile monde qui accepte l'islam. Hein, et il y a un pile monde qui convertit à l'islam. Toutefois, faut nous faire attention parce que on bail que me remarquer puis on bail que moi c'est que il y a un pile groupe gen pil organizasyon musulman, et gen pil moun ki antre nan l'islam, nan on groupe ou nan on sekte ou nan organizasyon, et lèl rive en Haïti, sa l vle fè, li vle propage, sa l te aprendre, lèl te konverti nan vil ou nan mosquée que l'était converti aux États-Unis ou ailleurs, mais malheureusement, il n'y a pas de temps à apprendre l'islam comme il faut, et il n'y a pas qu'à apprendre l'arabe, la puis le Coran, puis sunna, hadith. Donc, il y a qui vient avec quelques mauvaises conceptions de l'islam, et les arrivés à Haïti, il a essayé de propager l'idée de ça. Et étant donné que haïtien en Haïti pas grand pile ressources, pas grand pile connaissances qui présent qui ca aider moun yo pas grand pile livre, yo pas grand assez moun qui ca expliquer yo et qui a étudier l'islam et l'arabe dans pays musulman. Donc les yo rive en Haïti, yo commencé faire division, yo commencé faire problème, yo commencé mélanger tout le monde. Donc ça c'est un gros problème, et prophète a été averti nous, et il dit que dans un hadith, il dit iftaraqat al-yahud ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa satafteriqu hadhihi al-umma ala 73 firqa كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc prophète l'a dit que chrétiens juifs ont été divisés en 71 sectes, et que chrétiens ont été divisés en 72 sectes, et ensuite il dit que umma, nation musulmane moins, l'Ibral divisé en 73 sectes, et il dit que toute secte sayo pral entrer l'enfer, excepté youn. Et sahaba yo, compagnon prophète, compagnon prophète l'a mandé, prophète là, yo mandé li. Woman hiya ya Rasulullah. Et c'est qui est-ce nan secte sayo, nan 73 sayo, qui pral entrer au paradis? Prophète la répond, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, yani, ça, groupe qui a entré dans paradis, ou secte qui a entré dans paradis, c'est ça qui te suivre sous namoué, et exemple de compagnon mouyo, ça y est, suivre. Donc, l'Ibaï nous ont exemple de problème, division en cas privé, et en même temps, l'expliquer nous, solution, hein, pour nous qu'on, pour nous qu'à yani réparer problème ça, puis montrer moun yo musulmans yo qui gens pour yo unis et pour yo pas diviser, et pour yo, si ça musulman qui vraiment voulait suivre la vérité, yo pral connaît qui gens pour yo faire, c'est pour yo suivre exemple sunna prophète là, sunna, puis suivre exemple compagnon yo. Ensuite prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. On l'autre hadith, dans hadith ça, le prophète l'a dit que toujours a bien un groupe dans l'umma moins qui a suivi la vérité et qui a crampé sur la vérité. Et même ça, moun kap essayé opposer yo, et moun kap essayé contredire moun sa yo, puis abandonner yo, yo pas capable faire rien contre yo même, parce que yo pral suivre la vérité, et yo pral victorieux, yo pral gagner toujours la victoire sous la vérité jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Donc hadith ça il clarifie bien que même si pral gen en pile division, même si pral gen en pile problème, toujours a gen un groupe parmi musulmans yo qui pral sous le droit chemin et qui pral connaît la vérité et groupe ça, c'est groupe qui suivent Coran avec Sunna, puis ils suivent exemple prophète là, tant que ça nous est mentionné. Et qu'on l'autre hadith important aussi que dans le hadith ça prophète l'a dit aussi qu'on bitaqwa Allah wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc نحدث ça prophètement dit, les débats compagnons ont discours, ça c'était juste avant que le mourir. Les débats ont un discours tellement émouvant que les compagnons ont tout commencé à gagner l'eau qui a coulé dans le jeu. Ils ont commencé triste, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier, ils ont dit, ils ont demandé au prophète là, il y a Rasulullah, au messager d'Allah. C'est un coup que nous avons un message d'adieu ou un discours d'adieu. Hein? Alors, nous t'arrêtons, messieurs, ou t'es capable, nous, on conseille que nous pas le suivre. Et le prophète l'a dit, moi conseillez-nous que nous craignons Allah. Et conseillez-nous également que nous écoutons, dirigeons-nous et que nous obéissons. Même si c'est un esclave qui a dirigeant sous nous et qui a une autorité sous nous, faut nous écouter lui puis nous obéir lui, peu importe qui apparence il gagne. Et après ça, il dit parce que il y a des gens parmi nous qui pral vivre après, ils pral en pile division parmi les musulmans. Donc, moi conseillez-nous pour nous suivre sunna moi, exemple moi, et pour nous suivre sunna khulafa rachidin, c'est-à-dire pour nous suivre sunna de successeur moyo qui pral suivre moi sous la guidance parmi compagnons moyo après les map gaitan mouri suivre exemple yo fa alaykum sunnati wa sunnat al khulafa ar rashidin. Et il dit faut nous moder dans sunna et dans sunna moi et dans sunna compagnon yo avec dans nous, faut nous moder la donne. Ça c'est un exemple que le prophète là bah pour nous connaît yani importance avec qui force pour nous accrocher à bagaille ça, pour nous pas dévier, pour nous pas dérouter, pour nous pas sortir dans bon chemin. OK, après ça il dit et nous avertis nous contre toute invention dans religion. Nous pas supposé faire aucune invention ou nouvelle bagaille dans adoration dans religion, hein, il dit parce que tout bail nous inventé dans religion, les bid'ah sont bid'aliers. Et c'est-à-dire que son innovation. Et sa innovation, nous relèvent le bid'ah. Et tout bid'ah sont égarements. Et tout égarement, les pralmenés nous en enfer. Donc, il avertit nous pour ne pas tomber dans l'erreur, ça y est. Donc, là, Kounia m'a expliqué nos principes, ça y est, m'a mentionné bagay, ça y est, pour nous connaître que, qu'un monde qui pourra arriver, qui pourra le dire nous en pile bagay, qui pourra le mélanger tout bagay, parce qu'on connaît que, aux États-Unis, qu'un pile groupe musulman, qu'un pile secte, hein, qu'un chiite, hein, qu'un qui ahbash, qu'un qui absuive, on écrit les Farrakhan, hein, qu'un pile l'autre groupe tout, soufi, hein, qu'un pile l'autre groupe tout. Donc, les yo arrivent en Haïti, yo commencé chacune dans groupe ça, yo commencé, y a appelé, haïtien yo pour yo suivre, on l'autre innovation, on l'autre groupe, on l'autre bagaille. Et tout groupe ça, yo tout gain problème dans façon que yo suivre Coran avec Sunna. Donc, nous pral gain temps expliquer bagaille ça, yo en détail. Puis, m'te déjà bay en pile coup en français déjà sous tout sujet ça yo, mais en même temps, pour me faire en créole, bon, là, prend pile temps peut-être, mais, inshallah, si nous patients, n'a bien temps, une bonne compréhension dans l'islam. Mais raison pour qui ça commence à expliquer la bonne croyance, c'est pour justement que nous puissions distinguer par la suite dans tout ça qui arrivait dans la division et dans toute secte ça y est, pour nous connaître qui j'en ai fait pour distinguer entre ça qui est la vérité, ça qui n'est pas la vérité. Mais si nous n'avons pas une connaissance de un bon akida et une bonne croyance, nous pral perdit, nous pas connaître ça qui est vrai, ça qui n'est pas vrai. Donc c'est peut-être ça que nous commençons par expliquer fondement religion. Donc, ok. Donc n'a continué côté nous dérivé dans le livre là, puis n'a pas expliqué ça nous capable inchallah aujourd'hui. Nous arrivons au côté où Cheikh l'a commencé à dire. Il dit: ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه خالق العالم خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نحن expliquer passage ça. Cheikh l'a dit que parmi principes de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui créateur tout monde. Toute création, c'est lui-même qui crée le monde et que c'est lui-même qui est en contrôle de tout ça qui arrivait là dans lui et c'est lui-même qui est en contrôle de tout ça qui cap fait dans la création. Et il contrôle toute bagaille par connaissance qu'il gagne de toute bagaille et par pouvoir qu'il gagne sous toute chose de la façon que lui voulait. C'est lui-même qui décidait tout ça qu'a privé, et avec volonté. C'est lui-même qui choisit tout ça qu'a privé. Pas gain, on bagaille qui qu'a sorti de volonté. Donc, il n'y a pas gain, on bagaille qui qu'a arrivé dans le monde, excepté que c'est par pouvoir, par connaissance, et par volonté. Et que, c'est lui-même qui, maître et roi de tout ça qui gagne dans le monde ça et dans l'autre monde après la mort. Et c'est lui-même qui maître et seigneur de toute créature, tout monde. Et pas qu'on l'autre monde qui crée en rien ou qui a créé en rien. C'est-à-dire que même en seule particule, en seule graine de sable, en seul atome, pas qu'on l'autre monde qui crée en rien. C'est seulement Allah qui crée toute bagaille ça. Donc ça c'est on principe parmi principe de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous relève catégorie de tawhid, ça nous relève le tawhid ar-rububiyya tant que ça nous était expliqué au début. Kounia lui dit que pagain ont l'autre seigneur en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu c'est lui-même, c'est seulement lui-même qui est en contrôle sur toute bagaille. OK, donc pas gain en goutte de pluie cap tomber, excepté que c'est par pouvoir lui et c'est par connaissance lui et c'est lui-même qui contrôle lui. Et pas gain en feuille ou en aucune bague, en feuille qui a tombé de 11 arbres ou bien on n'importe qui bagaille qui est arrivé, excepté que c'est par volonté Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui-même qui contrôle lui. Ensuite, Cheikh l'a dit que c'est lui-même qui t'a envoyé tout messager yo et qui fait descendre toute révélation yo pour lui corriger situation serviteur yo et créer une situation ou état être humain yo, parce que un être humain n'est pas gain guidance hein de Allah lika l'elle pas gain guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala li égaré la perdu. Donc Allah à cause de ba ça li voyait en pile messager en pile livre pour le cas guider l'être humain ou l'humanité sur la vérité et pour le cas appeler l'humanité à saluer et ça cap pour aider yo pour yo réformer situation yo dans vie ça dans monde ça et dans l'autre monde après la mort inshallah. Et après ça Cheikh l'a dit que c'est il pas gain aucune associé aucun partenaire dans tout ça nous mentionné dans tout exemple que nous t'ai mentionné ça c'est-à-dire que pas gain l'autre créature qui gagne en contrôle soit en rien de ça Allah t'a créé c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôlait toute bagaille et pas gain personne qui contrôlait en rien dans ça Allah t'a créé. OK, donc ça c'est un principe important et lui mentionner quelques preuves au sujet de ça et lui dit par exemple lui dit Allah khaliq kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui crée toute bagaille et c'est lui-même qui en charge et qui est responsable pour tout ça lui créé et tout ça qui existait. OK, donc ça veut dire que Allah c'est lui-même qui créateur toute bagaille, pas qu'on l'autre créateur avec Allah, même pas qu'on l'autre, même pas qu'on monde qui a créé, même on mouche hein, on moustique, même on moustique pas qu'on qui a créé lui, c'est Allah seul qui a créé, qui crée toute bagaille. OK, et c'est lui-même qui gagne en contrôle et qui est responsable de toute création. Et ensuite lui expliquer dans l'autre verset que non, ça verset ça c'est dans sourate Az-Zumar, c'est le verset 62. Kounia li bay on l'autre verset dans sourate Al-A'raf, le verset 54. Allah dit OK. Seigneur noir c'est Allah, c'est Dieu. C'est lui-même qui crée les cieux et la terre en six jours, hein, et puis ensuite l'est élevé au-dessus du trône, ensuite l'est élevé au-dessus du trône, l'est monté au-dessus du trône lit, et c'est de façon que qui convient à majesté lit, et ensuite l'est couvrit le jour par la nuit et l'est fait l'une suivre l'autre avec rapidité et avec constance, yani. Le jour toujours absuivre la nuit toujours absuivre le jour. Ensuite, il dit que c'est lui-même qui crée le soleil, hein, c'est lui-même qui met le soleil là, et qui crée la lune, ainsi que toute étoile, yo, puis yo tout soumis à commandement, yo tout obéi à commandement, Allah subhanahu wa ta'ala. Et, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui-même que toute création et tout commandement, c'est à Allah seul que lui appartenait, lui pas appartenait à aucune autre création. C'est Allah seul qui maître et qui gagne commandement et qui crée dans l'univers. Et ensuite, il dit, et béni soit Allah subhanahu wa ta'ala, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et toute la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les mondes. Hein? Donc, ça c'est verset 1, verset 54. Ensuite, Cheikh l'a dit, ensuite Cheikh l'a dit, ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقله غيره من أهل العلم والإيمان. Donc dans partie ça, Cheikh l'a expliqué troisième principe de Tawhid, troisième principe de l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, Cheikh l'a dit que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui gagne tout plus beau nom yo, et c'est lui-même qui gagne tout grand attribut de perfection yo. Et yo tout mentionné dans révélation li, c'est-à-dire dans Coran, et dans, yo tout établi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faut nous croire dans nom sa yo, puis dans attribut sa yo, faut nous respecter yo, faut nous croire dans yo, sans que nous déformer sens yo. Parce que y a un pile monde parmi musulmans qui dévient au sujet de bagay sa yo, yo commencé jouer avec nom Allah pour yo changer signification yo. Yo prend un mot, puis yo baille l'autre sens et yo déformer réalité attribue Allah. Donc ça, c'est un bail qui est très, très grave et très dangereux qui fait un peu le monde tomber dans l'égarement à cause de bail ça. Et ensuite, il mentionne un deuxième principe, wala ta'til. Nous pas un droit, nier attribut Allah ou changer, yani nier attribut Allah ou bien nous pas un droit tout, yani les nous dit ta'til, ça veut dire nous pas gain droit nier attribut Allah et nous gain parmi mon groupe bid'a innovation qui dévie qui quitte la sunna et yo nier réalité non Allah et signification yo donc qui ça yo fait yo nier réalité attribut Allah subhanahu wa ta'ala soit directement ou soit yo nier yo indirectement par exemple les Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple que li au-dessus de trône li gain parmi moun bid'ayo parmi moun qui dévié qui pas respecté non Allah yo dit non c'est pas vrai Allah pas monté ou li pas élevé au-dessus de trône li yo essayé interpréter ça par une autre signification mais l'autre signification ça li pas gain aucune référence ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans la parole, yani arabe, dans le langage arabe là, y a pas gain en référence. Donc, y a dit que, y a pas dit Allah monte, élevé au-dessus de trône lit, y a croit que Allah subhanahu wa ta'ala, lui prend contrôle trône. Mais ça, son explication qui déformait sens, réalité, sens là. Parce que y a pas voulu croire que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute création et que lui en haut de trône lui. Donc nous-mêmes nous affirmer ça Allah dit et nous croyons là dans lui non façon qui correspond avec majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite lui mentionner en l'autre point, c'est-à-dire que les nous mentionner nom et attribut Allah nous pas supposé faire takyif, c'est-à-dire nous pas supposé demander comment nous pas supposé demander à propos de Allah comment lier, qui j'en lier. Hein? Si vous demandez, ou si vous essayez de demander à propos de Allah qui j'en lier, c'est là que vous pouvez le dévier. C'est là que vous pouvez quitter droit chemin parce que nous pas qu'à connaître qui j'en Allah lier. C'est seulement Allah qui connaît qui j'en lier. Et libaye nous quelques informations à propos de attribulio, sauf que réalité qui j'en attribue ça yoye, par exemple, Allah dit que l'il y a un jeu, il dit que l'il y a deux yeux, il dit que l'il y a main, hein, dans le Coran, mais nous pas supposé demander comment, qui j'en m'ayoye, qui j'en Dieu Allah yé, qui j'en Allah qui a parlé, qui j'en Allah monté sous ton lit, ça nous pas qu'à connaître. Donc, faut nous croire dans l'attribut ça yo, sans que nous demander comment. Hein, comment sont bah, que nous pas qu'à comprendre, et en même temps, yani, nous pas qu'à imaginer, essayer pour nous imaginer Allah. Hein, parce que pas qu'il y a monde qui voit Allah dans, dans le monde ça. Pas qu'il y a aucun monde qui voit Allah. Donc, faut nous croire dans l'attribut Allah, et dans le nom Allah, mais nous pas essayer imaginer Allah et nous pas demander à propos de Allah qui j'en ai. OK? Donc faut nous croire en Allah, Jean que le t'ai décrit propre tête lui et que le t'ai décrit qui j'en ai. Faut nous croire en Allah, Jean le t'ai décrit qui j'en ai, mais faut nous pas gain droit demander comment. Ensuite, on a l'autre principe tout qui dit voilà tamthil, c'est-à-dire nous pas supposer faire une comparaison entre Allah et en création. Parce que si nous fait ça, ça veut dire que nous essayons imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous prétendons que nous connaît qui Jean Allah est. Et n'a fait Allah sembler à créature. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas gain aucune ressemblance. C'est lui-même seul qui parfait. Pas gain en l'autre qui parfait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous pas qu'à comparer Allah avec aucune création. Ok? Donc, principe ça yo très important et faut nous croire dans nom et dans attribut Allah que le t'est décrit personne faut nous croire dans attribut ça yo qui Jean yo t'est révélé et qui Jean yo vini dans révélation c'est comme ça pour nous accepter attribut yo et nom yo nous pas qu'un droit déformer sens yo et changer réalité yo par une autre explication. Bon, on a bien temps expliqué en détail ben ça inchallah bientôt après Cheikh l'a expliqué. Après il dit que faut nous croire dans toute grande signification toute grande signification attribue Allah yo. Hein? Et nous avons obligation pour nous décrire Allah subhanahu wa ta'ala par attributs qu'il t'a mentionné dans la révélation li, sans que nous fait aucune ressemblance entre Allah et création li. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans sourate Shura verset 11, il dit laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire pas grand rien qui semblait avec Allah, pas grand rien qui semblait avec lui. Et c'est lui-même qui a tendé toute bagaille et qui a ouais toute bagaille. Donc les gars ont les qui tendé toute et les qui a ouais toute. Ok, les pas gars ont limitation non li et non attribut li. C'est on Dieu qui parfait. Ok. Donc ensuite de ça, Cheikh l'a mentionné en l'autre verset qui dit فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. Donc ça sont l'autre verset qui verset dans sourate An-Nahl verset 74 verset ça qui ça dit il dit nous pas supposer by Allah aucune ressemblance, aucune nous pas supposer faire aucune analogie ou comparaison avec Allah et création li, car parce que Allah c'est lui-même qui connaît, mais nous-mêmes nous pas qu'à connaît. Hein? Nous-mêmes nous pas qu'à connaît parce que nous pas jamais voir Allah. Et ça nous connaît de Allah, c'est uniquement ça Allah dit nous de description que le t'ébaille nous dans révélation. Donc nous pas qu'à dépasser définition ou nous pas qu'à dépasser description Allah te baille au sujet de attributio. Donc ça sont principes très importants à propos de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et gain en pile groupe dans l'islam parmi sectio qui déviait sous sujet au sujet de question ça gon groupe yore le yo Jahmiya. Et ça c'est parmi sectio qui était apparaître environ près de après 200 ans après mon prophète là. Et moun sa yo le yo rive yo prend en influence yo influencé par philosophe grec yo. Ils ont commencé à étudier philosophie et puis ils ont commencé à essayer d'interpréter le Coran avec philosophie grecque. Mais les Grecs sont un peuple, ils n'ont pas été guidés, ils n'ont pas eu une révélation, ils n'ont pas eu une base. Ils n'ont pas adoré idole, ils n'ont pas adoré étoile, ils n'ont pas adoré un paquet de fausseté. Et donc, ils n'ont pas connu la réalité à propos de Allah. Donc, il a essayé de comprendre Allah avec propre logique yo, et propre avec propre intelligence yo, qui limitait. Et donc là il a commencé à parler à propos d'Allah avec tête yo, il a commencé à inventer un paquet de mensonges à propos d'Allah et il a commencé en même temps pour yo nier un pile bagaille qui établit dans révélation Allah à propos de attributio. Donc, tout attribut que yo trouvé dans le Coran et dans le Sunna, yo est que gon apparence de ressemblance entre créature puis être humain, entre créature puis Allah, yo nié yo rejeté yo. Donc, par exemple, yo on verset qui dit que Allah li kawé tout bagay, yo dit non, yo pas quoi dans attribut ça parce que si nous dit que Allah kawé, ça veut dire que les mêmes gens avec être humain et animal, alors ils n'y attribuent ça. Mais nous-mêmes nous disons non, c'est pas vrai. Nous pas supposés n'y attribuer ça parce que même si Allah dit que lui ouais, et même si nous-mêmes être humain ou animal, nous ka ouais, mais vision Allah et vision créature yo pas qu'à comparable parce que vision Allah c'est une vision qui est parfaite, tandis que vision être humain son vision qui limitée, il pas qu'à ouais toute bagaille, il pas qu'à ouais loin, ils ont limite. Donc c'est peut-être ça, les nous comprendre principe ça, automatiquement nous qu'à connaître que nous ça dévier, ils ont quitté droit chemin. Hein. Ensuite il y a l'autre groupe qui suit nous ça tout, et parmi l'autre secte qui arrive après yo, et ils suivent même mentalité yo, tant que Jahmiya yo les arrivés, ils ont nié tout nom et tout attribut d'Allah. Nom Allah qui s'aille, c'est nom que l'ité baille tête li dans le Coran. Par exemple, Allah dit qu'il est Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mutabbir, Al-Aziz, Al-Basir, Al-Sami', Al-Alim, Al-Hakim. Ça, non, ça, il voulait dire que Allah c'est le grand, le sage, le tout-puissant, le maître, le créateur, le pourvoyeur, le yani, les gains plus beaux, tout plus beau nom yo, c'est Allah, c'est lui-même qui le voyant, qui voit toute bagaille, c'est lui-même qui tendait toute bagaille. Donc ça c'est nom Allah. Attribut Allah qui s'ayoye, c'est attribut que li baitet li dans le Coran. Par exemple, elle dit que li ouais, que li tendait, que li connaît, li gain connaissance, puissance, li gain sagesse, et que li monte au-dessus de trône li, que li gain deux mains, que li gain deux yeux, que li gain visage. Bah, ça, il faut nous croire dans yo, mais nous pas supposer essayer imaginer qui j'en yo y est attribut ça yo. C'est attribut de perfection, et yo pas sembler avec attribut créature. C'est attribut que Allah baille, que lui baille personne li, puis en même temps, faut nous croire dans yo, mais nous pas connaître qui j'en yoye. D'accord? Et donc, là, nous comprendre bagaille ça, n'a pas sauvé de égarement, inshallah, et nous pas tomber dans erreur au sujet de nom et attribut Allah. Et après, donc yo nié les deux, yo Jahmiya yo nié non yo et yo nié attribut Allah, tandis que gon l'autre groupe qui arrivait après, yo relay yo terrer les Mu'tazila. Et secte ça yo sont l'autre secte qui est influencée par philosophie tout, puis tandis que yo même yo nié attribut Allah mais yo pas nié non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yo égaré tout, mais yo moins égaré par rapport à premier groupe là, yo moins extrémiste. Ensuite bon l'autre troisième groupe qui rivait qui relait Asha'ira, et groupe ça yo hein li fondé par un monde qui relait Abul Hassan al-Ash'ari. C'est on est quitté dans secte Mu'tazila au début, après ça li vin quitté après 40 ans li quitté moun sa yo et li vin tourner dans sunna. Mais les poko vin tourner complètement dans la sunna, les accepter certains principes, mais en même temps les continuer pour nier en pile attribut de Allah. Donc yo connaissant non Allah, yo affirmer sept attributs, mais l'autre attribut yo pas connaissant. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala yo croit que Allah li gen sagesse, li gen on vision parfaite, li tan de tout bagay, li gen on puissance, li parle, et yo croit que Allah subhanahu wa ta'ala li c'est lui même qui crée, li créé, et c'est pas songer dernier qui s'allie, li gon volonté. Et c'est ça, c'est sept attribut que yo accepté. Tandis que l'autre attribut que Allah subhanahu wa ta'ala li remè créature qui obéissante, que li détesté créature être humain ou bien créature qui désobéissant, que Allah par exemple li yani yo ni en pile l'autre attribut que Allah monté au-dessus de trône li, que Allah subhanahu wa ta'ala gen yeux, que Allah gen main, et que Allah subhanahu wa ta'ala lit par exemple, il interprété tout attribut ça, il a changé signification yo. Donc nèg Abul Hassan ça, Abul Hassan al-Ash'ari, après li était né environ en 270 après mort prophète là. Ensuite li mourit en 324 environ, 324 ou 330, pas tellement sûr. Et puis après donc il mourit, mais avant de mourir il était repenti, il était abandonné toute idée ça yo, et puis il tournait dans principe sunna, et il écrit un livre qui relait al-maqalat, et dans le livre ça il clarifiait que il affirmait tout nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans aqida, dans la croyance de gens qui suivent la sunna et qui réunissent sur la sunna. Les mourir écrit livre ça pour désavouer de toute saleté écrit auparavant, et pour lui informer tout le monde que lui revenir à la sunna. Bon, peut-être que m'a expliqué nous toute bagaille ça yo, peut-être que nous va tout comprendre tout détail yo, mais c'est bagaille qui est très important, parce que gen pile secte qui existait kounya, puis yo tout suivre une innovation ça yo et erreur ça yo. Donc si nous pas au courant de bagaille ça yo, eh ben n'a pas capable de tomber dans un pile problème, dans un pile erreur, dans croyance nous. Donc, bon, gain principe pour nous expliquer tout, parce que gain bail que si m'a pas expliqué au bon, n'a bien difficulté pour nous comprendre tout détail, mais quand même, c'est que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vini, lui enseigner l'islam, et l'Eli mourit sallallahu alayhi wa sallam, li quitte compagnon yo, yo te tout unis sous la même religion, même croyance. Yo pas gain deux compagnons du prophète qui gon croyance différente avec l'autre compagnon yo. Yo tout unis dans nan relijyon. Sauf que apre epok kompanyon yo, nan deuxième, troisième génération, koman se gen moun ki rive avèk lot compréhension, l'autre idée, parce que l'islam commence à se propager dans le monde et il y a un monde qui paraît aimer ça et il y a un monde qui entre dans l'islam mais avec une intention qui est mauvaise pour essayer de détruire la religion islam par à l'intérieur. Donc ils sont rentrés dans l'islam tant qu'hypocrite pour essayer de faire problème dans, entre musulmans puis ils ont commencé à dévier dans la croyance. Ok, gain on raison, gain ça comme raison et gain on l'autre raison. Tout c'est que gain qui est entré dans l'islam parmi peuple, parmi différents peuples, puis y a été gain religion auparavant. Ça y a essayé fait, y a essayé incorporer croyance dans l'islam. Et à cause de bagaille ça, il crée un pile problème, un pile secte, un pile division, un pile déviation. Et m'te déjà gain t'entendre que gain moun en Haïti qui essaie fait même bagarre avec ça, avec l'autre moun sa yo. Y a essayé mélanger voodooisme et franc-maçonnerie avec l'islam. Mais bagarre ça yo pas qu'à uni, hein, c'est un coup qu'à ou pas qu'à uni l'idolâtrie avec le tawhid, l'unicité d'Allah, ou pas qu'à uni la foi avec la mécréance, ou pas qu'à unir la vérité avec le mensonge. Donc, tout bail mélangé, bail ça y est ensemble, il n'y a pas qu'à faire dans l'islam. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous venons pour nous expliquer, nous voulons expliquer fondement religion pour que nous puissions comprendre bien comme il faut fondement religion, Inch'Allah. Donc, compagnons, ils étaient tous unis, ils étaient tous gain même croyance. Ça qui fait, c'est que le monde qui arrivait après, il a commencé à diviser. Donc, c'est peut-être ça, monde, parmi savants musulmans, dans l'époque, ça, il a commencé à défendre l'islam, il a commencé à écrire livres pour protéger la pureté religion, et pour que il a ramené les musulmans à la réalité fondement islamique, yo. Donc, monde, ça, yo ahle sunna wal jamaa, ahle sunna wal jamaa, c'est-à-dire moun kap suivre la sunna et le groupe sauvé qui sous la sunna, kap suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc moun sa yo tout te gen même croyance et yo là dans toute époque gen moun kap suivre même croyance avec croyance compagnon prophète là, et nous-mêmes c'est ça n'a suivre. Et c'est ça qu'on a enseigné, et c'est peut-être ça qu'on a expliqué tout détail bagaille ça pour nous comprendre, parce que sinon nous va le mélanger en pile. Parce que depuis 1400 ans que l'islam arrivait, que le prophète l'a venu, et bien il y a un pile bagaille qui est en changé dans le pays musulman, et c'est pas tout le monde qui dans le pays musulman qui suivent vérité l'islam. Non? Jean que l'été révélé. Donc c'est peut-être ça, faut nous comprendre bien comme il faut réalité l'islam. Donc Cheikh le dit, وقال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آية الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزاعي والليث ابن سعد سفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه وتعالى على عرشه نؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيع ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله زي أوكي ولما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله عليهما رحم الله عليهما من عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Donc Cheikh lui-même là qu'on a qui ça le fait, il commence à mentionner citation salafio, salaf qui ça le signifie, salaf il signifie monde qui vini avant nous. Salaf c'est tout le monde qui vini avant nous. Mais là nous parler de salaf nous-mêmes, nous signifier compagnon prophète là et monde qui suivent compagnon prophète là dans croyance li. Donc nous relayons au salaf, as-salaf as-salih. C'est-à-dire les bons salafs, les bons salafs, les bons prédécesseurs, monde qui était précédé nous. Donc, les mentionnés paroles salafio, c'est grand savant qui était venu dans le premier siècle l'islam. Donc, les mentionnés en premier savant qui relait Al-Awza'i, ça c'était un plus grand savant dans le premier siècle. Dans le premier siècle l'islam, là, l'idée, قال رحمه الله سئل الزهري اللي دي ك اللي mentionne l'autre nom l'autre grand savant il dit az-zuhri de même que makhoul gemon qui mandé yo au sujet de verset qui parlait de attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ben deux grands savants ça yo az-zuhri et makhoul hein, qui était parmi tabi'in, c'est-à-dire qui était parmi élèves, compagnons prophètes là, hein, ils répondent au sujet de questions ça, ils ont dit, faut nous accepter, yo, nous prenons Jean yo yé. C'est-à-dire nous prenons attribut ça, yo, Jean yo yé, Jean yo te révélé, hein, nous pas essayer de former signification. Yo. Tant que le monde bida, cap essayer de jouer avec signification attribut Allah. Ensuite, il dit, وقال الوليد بن مسلم on l'autre parmi grands savants salafio il dit que الوليد بن مسلم il dit que l'imam Malik et Al-Awza'i et l'imam Al-Layth ibn Sa'd et Soufyan al-Thawri, ça c'est quatre parmi plus grands savants de l'islam dans le premier siècle il dit que il y a un musulman qui était posé en question au sujet de attributs Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont tout répondu, ils ont tout dit même bagaille là, ils ont dit faut nous accepter yo Jean yo yé et nous pas demander au sujet de attributs ça yo qui Jean hein, ou comment ou qui Jean yo yé. OK, ensuite il mentionne l'autre citation de l'imam Al-Awza'i hein, il dit que l'imam Al-Awza'i dit nous-mêmes ainsi que tabi'inyo, c'est-à-dire non, il dit nous-mêmes les tabi'inyo t'es en pile, tabi'inyo c'est élèves compagnons prophètes là, il dit les tabi'inyo t'es en pile, nous t'es qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala lit au-dessus de trône lit et nous croit dans tout ça qui était révélé dans la sunna, qui était mentionné dans la sunna au sujet des attributs d'Allah. Et donc ça c'est une citation importante de l'imam Al-Awza'i qui prouvait que croyance que Allah au-dessus de trône lit, ça c'est une croyance qui est obligatoire hein, parce que il y a un peu le monde qui dévient, il croit que Dieu les unit avec création lit et que lit dans toute bagaille et que lit dans tout monde, même j'ai avec chrétien yo les yo connaît la réincarnation ou yo connaît l'incarnation de Dieu dans l'homme, pareil ça yo. Donc tout ça c'est croyance qui fausse, qui est en contradiction avec message prophète yo. Donc c'est peut-être ça que salaf yo expliquer que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de création li, li séparé au-dessus de trône li séparé de création li, pas gain rien de création li qui entre dans lui-même et pas gain rien de Allah qui n'a création li. OK, donc ça c'est un principe très important, faut nous comprendre li bien. Ensuite Cheikh l'a mentionné l'autre citation de l'imam Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Et ça, lui-même, c'était un grand savant qui était un cheikh, qui était professeur, l'imam Malik. Ok? Lui-même qui ça le dit, l'ayomandé Rabi'a ibn Abi Abdurrahman au sujet de al-istiwa, c'est-à-dire al-istiwa qui ça signifie les Allah élevé lui monter au-delà de au-dessus de trône lui, hein, verbe que les nous dit que lui élevé, c'est en arabe al-istiwa. Donc lui élevé au-dessus de trône lui, ça c'est al-istiwa. Il demande à propos de Moussa. Il demande lui yani qui Jean Allah monté au-dessus de trône lui. Donc l'imam Rabi'a répond, il dit Moussa al-istiwa li pas inconnu, hein. Il dit al-istiwa غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Donc c'est ça que dit l'imam Rabi'a, dit al-istiwa, hein, fait que la réalité que Allah t'est monté au-dessus de ton lit, ça n'est pas inconnu. Tout le monde connaît signification Moussa dans la langue arabe, que lui signifiait que Allah monté au-dessus de ton lit. Ensuite, al-kayf ghair ma'qul, yani qui façon qui Jean lui fait, qui Jean lui monter au-dessus de trône, qu'il élevé au-dessus de trône, ça nous pas qu'à connaître, nous pas qu'à comprendre lui, parce que lui pas un bagaille que nous qu'à imaginer, et nous pas qu'à connaître lui, parce que Allah pas mentionné rien au sujet de détails qui Jean lui fait. OK. Ensuite, il dit c'est Allah qui voyait message là sous messager lui, et messager lui, le messager a responsabilité ici pour lui transmettre message ça, hein, et pour lui transmettre lui de en façon qui claire, et nous-mêmes faut nous croire dans tout ça, messager a informé nous. Toutefois, elle nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui monter ou lui élever au-dessus de trône lui, faut pas des gens qui commencent à penser que c'est Allah besoin de trône lui, et que ce trône n'a qu'à supporter Allah. Non, c'est Allah qui a supporté trône lui, et lui pas, les nous dit que lui au-dessus de trône lui, c'est pas même genre on créature à monter au-dessus de l'autre créature. Nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala pas rien qui semblait avec lui, qui paraît avec lui. Donc nous pas fait aucune comparaison entre Allah puis création. Donc ça c'est un bagage très important. Ensuite, Cheikh l'a dit que il mentionnait parole l'imam un grand imam qui est l'imam Malik, et imam Sa'al dit ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج وروي هذا المعنى عن أم المسلمين أم سلمة وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك عليه نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. Donc l'imam Malik il demande la même question que il a posé l'imam Rabi'a, et il répond pas en réponse qui est semblable avec réponse Rabi'a. Il dit que al-istiwa son bail qui est bien connu, et tout le monde connaît signification dans la langue arabe, ou al-kayf majhoul, qui genre monter au-dessus de trône lit, ça c'est un bail qui est inconnu, et c'est obligatoire pour un musulman pour lui croire dans bagage ça, dans attribut Allah, dans attribut ça, et puis pour nous pas gain droit poser en question au sujet de attribut Allah, nous pas gain droit poser le comment ou qui Jean attribut Allah yoyé et yani faut yani ça c'est si nous posons question comme ça c'est considéré comme étant une bid'a yani son innovation dans la religion et puis il est très dangereux les on pose question comme ça les l'imam Malik fin répond question hein? Il dit moun neksa ou moun sa son innovateur lié son moun mauvais son mauvais moun lié et li ordonné pour yo expulser li pour yo faire le sortir parce que l'imam Malik ouais que son moun qui mauvais qui posait question comme ça il était con mauvais intention en réalité. Ensuite il dit ouais même parole ça t'est rapporté de yonna femme prophète là sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il mentionne les paroles on l'autre grand imam parmi imam premier siècle yo qui relait Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak, ça c'est une parmi grands savants yo parmi salafio et il dit na'rifu rabbuna subhanahu nous kon créateur nous seigneur nous nous connaît que c'est au-dessus des cieux que lié, au-dessus de ton lit, et que lui séparé avec création lit, lui pas mélangé avec création lit. D'accord? Ensuite, Cheikh l'a dit, وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا أو كَثِيرٌ جِدًّا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِي هَذِهِ الْمُحَاضَرَةِ وَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد والتوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم وجواب شيخ الإسلام لأهل حماء وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم وهكذا رسالته الموسومة بالتدمورية وقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدفع الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. Donc là, qu'on y a, nous s'attelons en l'autre passage dans le livre-là. Et Cheikh l'a dit que parmi Gampi, l'autre imam, parmi imam musulman, un grand savant de l'islam, qui mentionnait en pile l'autre parole sous sujet ça et Cheikh l'a dit que il n'est pas possible pour le mentionner tout ça qui était mentionné par Imam Yo parce que sinon l'étape prend en pile temps et il n'est pas possible. Donc il dit que si on a besoin plus de détails pour au sujet de parole Imam Yo au sujet de questions ça yo au sujet de nom et attributs d'Allah, eh bien, l'Iguin doit tourner dans le livre que savant de l'islam a écrit au sujet de la sunna. Par exemple, un livre qui relie à sunna de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Ça, c'est un livre écrit par un grand savant de l'islam parmi savants premier siècle de l'islam. Ensuite, un autre livre qui relie à Tawhid, écrit par l'imam Muhammad ibn Khuzayma. Ça, c'est un grand savant de l'islam yo, qui était mouru dans l'an 300 yo. Ensuite Kitab Sunna de l'imam Abil Qasim al-Lalakai al-Tabari, ça c'est un grand livre également écrit par un grand imam de Ahl Sunnah qui clarifie toute question ça. Ensuite, qu'on l'autre livre écrit les As-Sunnah également écrit par Abi Bakr ibn Abi Asim, hein, et qu'on également l'autre livre tout c'est en réponse de Cheikh l'Islam, un grand savant qui est Ibn Taymiyyah, le Cheikh de l'Islam, et il a écrit un livre pour monde qui était dans la ville de Hama, en ville qui est Hama. L'Ifsa y aurait l'Aqidatul Hamawiyya. Et dans l'Ifsa, Cheikh ça expliquait c'est quoi, c'est qui est-ce qui croyance, qui ça qui croyance Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah. Elle nous dit Ahl Sunnah, ça veut dire monde qui suivent la Sunnah comme il faut pour de vrai. Hein, vrai monde qui sous la Sunnah. Donc, c'est qu'est-ce qui croyant sur vous? C'est qui ça qui croyant sur vous pour de vrai? Et il mentionnait en pile dans la parole imam yo de, dans le premier siècle yo, qui ça y été, expliqué. Il mentionnait en pile dans la preuve, du Coran et de la Sunna, et il mentionnait en pile preuve rationnelle tout, pour lui établir, réalité croyance de salaf yo, croyance premier musulman yo, et croyance de monde qui a suivi Ahl Sunna wal Jama'a. Ensuite, il dit que Cheikh Ibn Taymiyyah, dans le livre ça, il mentionnait également, il montrait fausseté tout monde qui déviait sous question ça yo, parmi groupe et secte yo, et, l'igon l'autre livre tout qui relait à At-Tadmuriyya, il expliquait également croyance Ahl Sunna au sujet de question nom et attribut à Allah yo, et il mentionne les preuves yo, preuves qui dans le Coran et dans le Sunna, et il mentionne également preuves qui rationnel yo, et il réfutait tout le monde qui opposait la vérité au sujet de question ça. Ensuite, il réfutait également tout mensonge yo et toute fausseté yo, et donc toute personne, tout le monde, n'importe qui monde qui garde dans le livre ça yo, qui étudie le livre ça yo, et qui lit yo, yo pas le comprendre, tout le monde qui lit le livre ça yo pas le voir que yani c'est la vérité qui dans le livre ça yo et qui explique dans au sujet de question ça, et que tout le monde qui oppose à le sunna dans question de nom et de attribut d'Allah, yo contredit ça Allah t'a dit dans le Coran et ça prophète l'a dit dans la Sunna, et yo contredit également toute preuve rationnelle yo. Donc yani c'est peut-être ça, faut nous faire attention pour nous suivre ça Allah t'a révélé dans le Coran et dans la Sunna. OK, donc nous pourrons arrêter là parce que sinon la trop longue, faut nous arrêter pour nous reposer un peu, puis nous faisons l'autre cours pour nous continuer l'autre détail dans le livre ça, Inch'Allah. Nous continuer, m'a essayé demain peut-être si nous avons le temps, Inch'Allah, pour nous faire l'autre cours pour nous connaître ça, qui est la suite sujet ça, Inch'Allah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.